À l'occasion de la Journée du Soleil, Ogami Kenichi, secrétaire général de l'Institut international des études jetées et sa suite, sont arrivés le 13 à Pyongyang par vol.